Plus tu es dans l'intelligence, plus il faut que tu aies les épaules fortes. Parce qu'être dans l'intelligence, tu obliges automatiquement à supporter le poids de ton intelligence. Tu es obligé de supporter le poids de ton intelligence. Parce que tu as des chocs en retour. Des chocs en retour. Jusqu'à temps que ton intelligence est tellement forte et ton volonté est tellement stable. C'est bien que tu sois capable de le faire. C'est ça. Exactement. Exactement. Puis là, tu n'en souffres plus. Tu deviens un Gibraltar. Tu deviens un roc. N'importe quelle tempête, ça passe par-dessus. Et c'est ça qui est top, c'est ça. C'est ça qui est top. C'est le chat en retour. C'est ça. C'est pas la question de ça. C'est ça qui est top. C'est le chat en retour. C'est le chat en retour. C'est ça qu'on fait les clés. C'est là qu'il faut être sensé. Il faut être sensé que c'est juste là. C'est dans le chat en retour. C'est ça. Exactement. Parce que la loi, on fait pas. On meurt à chaque fois qu'on s'affiche. Ouais. Astralement. Très juste. On meurt à chaque fois qu'on s'affirme astralement. On donne attention sur soi, que nous autres mêmes on fait le retour sur soi, mais je ne veux pas que ça nous des réponses de chaque retour. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Si tu veux que je dise, c'est ça. Vous savez, quand un homme est dans l'intelligence, puis qu'il parle avec un homme ou une personne qui est dans l'intelligence, il y a un feeling dans cette expérience-là. Il y a une. Moi, quand je parle à vous autres, là, puis vous, on se parle, puis c'est intelligent ce que vous dites, que vous affirmez quelque chose qui vient d'intelligent. Savez-vous comment est-ce que je vis ça, moi? C'est comme si. Moi, je vis ça. C'est comme si je vois de la beauté dans l'intelligent. Dans l'intelligent, de la beauté. Ce que je reçois, là, ce qui me fait vibrer, si tu veux, là, c'est beauté. Comment tu sens? Moi, je comprends. T'as vu, toi, tu le dis, je le sais. Je sais que tu dis ce que tu sais, là. Mais c'est dangereux encore de t'écouter. En tout cas, moi, je trouve ça dangereux de t'écouter. Je trouve ça beau ce que tu dis. Puis c'est dans la ah, ça, c'est une trappe. C'est pas vrai, c'est une trappe. C'est une trappe pour vous autres. Ouais. Mais je parle pour moi. Là. Moi, quand vous parlez et vous êtes dans l'intelligence, moi, ce qui me revient, autrement dit, ce que je goûte, là, parce que c'est pas ce que vous dites qui m'intéresse. C'est le fait que vous le dites qui m'intéresse. Le fait. Le passage de l'énergie. Bien, pour moi, c'est de la beauté. Parce que pour moi, il y a de la beauté dans de l'intelligence. Mais ce n'est pas dans la forme. C'est dans le fait qu'elle peut passer. Pour moi, c'est ça de la beauté. Dans la tête que la forme est plus lourde. Ouais. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est ça mon plaisir de parler avec le monde. C'est l'appréciation de l'intelligence. L'appréciation est universelle de l'intelligence. Parce que vous savez, quand on est dans l'intelligence, quand on rentre dans l'intelligence, on est seul. Puis après ça, on est deux, puis après ça, on est trois, puis après ça, on est dix, on est cent, on est mille, on est mille. T'sais. Fait que éventuellement, t'es tanné d'être seul. Parce que l'ego qui est dans l'intelligence de l'astral, il aime ça être seul. Si vous regardez les spécialistes dans le monde qui sont des spécialistes, des experts dans ci puis des experts dans ça, ils aiment ça, eux autres, être des autorités. Mais quand tu es dans l'intelligence, tu n'es pas intéressé à être une autorité. Tu es intéressé à pouvoir rencontrer de plus en plus d'autorité. Plus il y a d'autorité, là, mais plus c'est le fun, parce que tu n'es plus tout seul. La souffrance d'être dans l'intelligence, c'est d'être seul. Le plaisir d'être dans l'intelligence, c'est de réaliser qu'il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre. C'est un mouvement totalement contraire au mouvement égocentrique de l'ego. Parce que l'ego, lui, il se donne toujours l'attention vers lui-même. Fait que s'il se pense intelligent ou s'il y a une certaine créativité, il va le voir que ça soit lui. C'est lui qui a le doctorat. C'est lui qui peut te parler dans tel domaine, puis dans tel domaine, puis dans tel domaine. Mais quand l'homme est dans l'intelligence, ça ne fonctionne pas de même. Aussitôt qu'il entend quelqu'un qui est dans l'intelligence, là, à ce moment-là, il n'est plus tout seul. Puis c'est ça, sa joie de vivre sur le temps matériel. C'est le retour à la lumière. C'est le retour à la lumière, ouais. Elle doit retourner elle-même. L'intelligence, le propre de l'intelligence, c'est de se manifester. Mm-hmm. Tandis que dans la loi astrale, c'est la division. Ouais. Dans l'intelligence, c'est la multiplication. C'est ça, exactement. Dans la division, bien, évidemment, plus tu divises, plus des unités, en tout cas, c'est des décimales, des décimales, des décimales, des décimales, j'ai envie de dire. Dans l'intelligence, c'est 1. 1. Et plus il y a de... Bon, c'est ça. Multiplication. Bon, pas de doute. Ouais, exactement. Exactement. Plus il va y avoir d'égo dans l'intelligence, plus il va y avoir de facettes de l'intelligence, puis plus l'intelligence sur la Terre va être grande, puis plus la conscience dans la Terre va être puissante. Moi, ils m'ont dit quelque chose après-midi. Ils m'ont dit, qu'est-ce que je demandais? J'ai demandé quelque chose comme, quand est-ce que je vais commencer à faire telle, telle, telle chose? Ils m'ont dit quand il y aura plus de gens intelligents. Parce que c'est comme moi, je suis obligé d'attendre qu'il y ait bien du monde intelligent pour commencer à faire quelque chose. Donc. Fait que je peux pas rien faire tant qu'il n'y aura pas du monde intelligent. Faut qu'il y ait comme un temps. Faut qu'il y ait comme un noyau, une conscience dans les terres, là, pas ici, là. Faut qu'il y ait une conscience, faut qu'il y ait une vibration, faut qu'il y ait un champ de force. Faut qu'il y ait une base. Un support. Pour que moi, je puisse faire d'autres choses. Et si tu... OK. Fait que le phénomène d'attention vers soi-même, c'est un phénomène qui est extrêmement délicat. Parce que, aussitôt qu'on perd l'attention vers soi-même, on se déséquilibre. Mais il faut être suffisamment intelligent, suffisamment conscient pour ne pas s'inquiéter du déséquilibre. Et si on est capable, si les gens sont capables au cours des années de subir les déséquilibres constants qui vont se faire, les gens vont rentrer automatiquement dans l'intelligence, l'astral va se défaire, et éventuellement, les gens ne souffriront plus du déséquilibre. Puis il va venir un point où le déséquilibre va être valable pour l'ego. C'est-à-dire qu'il va venir un temps où l'ego, au lieu d'être pogné dans ça, dans un corps matériel, puis emprisonné dans la matière, l'ego va pouvoir, ouais, tout d'un coup, il va sortir par la tête, là. Il va pouvoir commencer à sortir, là. Puis voir d'autres choses. Alors, quand l'ego va pouvoir commencer à sortir de cette patente-là, puis voir d'autres choses, bien là, la vie, ça commence à être le fun. Tu sais, au lieu d'être toute ta vie pognée à vivre à Shawinigan, mais tu peux aller à Montréal. T'sais. Bon, mais c'est la même chose pour l'homme. Au lieu de l'homme d'être limité à la matérialité de la Terre, là, il peut commencer à voir d'autres mondes. Alors, l'ego commence à bénéficier à ce moment-là de l'énergie de son rapport avec l'intelligence. Et c'est dans l'énergie du rapport avec son intelligence que l'ego s'en va graduellement, dans le temps, quand c'est le temps, vers les autres dimensions parallèles. Et que l'homme devient sur-homme, autrement dit, totalement libre des impressions qui peuvent être créées sur une planète pour le bénéfice de force qui retarde l'évolution de l'homme. Exactement ça. Il se déséquilibre pour la peine. Ça vaut le coup d'être déséquilibré. Mais il faut qu'il soit suffisamment averti que quand il se déséquilibre, c'est temporaire. À ce moment-là, il se tape. On est bien chanceux, nous autres, de pouvoir comprendre des choses qui ne se comprennent pas. Parce que quand on commence à comprendre des choses qui ne se comprennent pas, on commence à comprendre des choses qui appartiennent à l'esprit de l'homme au lieu de l'ego de l'homme. C'est quand on commence à réaliser des choses qui appartiennent à l'esprit de l'homme qu'on commence à on commence à comprendre qu'est-ce que c'est l'esprit de l'homme. Faut que l'homme un jour en arrive à savoir qu'est-ce que c'est l'esprit de l'homme. C'est pas un mot, l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est une énergie. C'est une conscience. C'est une corporalité lumineuse. Mais c'est une essentialité, c'est un nous-mêmes, l'esprit de l'homme. C'est beaucoup plus réel, l'esprit de l'homme, que le corps physique de l'homme. Alors, faut que les lois de ça nous soient expliquées pour qu'on puisse, dans tout ce mouvement-là vers l'esprit de l'homme, autrement dit, le mouvement de l'ego vers l'esprit, qui est l'esprit de l'homme, faut qu'on en arrive à pouvoir subir des changements, puis on va en subir au cours des années des changements, qui sont souvent difficiles, surtout pour les gens qui sont un petit peu plus sensibles. C'est pour ça que l'attention qu'on se porte vers soi-même doit être précisément réalisé lorsque on la vit, cette impression-là. Parce qu'aussitôt qu'un homme commence à réaliser l'attention qu'il porte vers soi-même, automatiquement, il entre dans l'esprit de l'intelligent. Automatiquement, il rentre dans l'esprit intelligent. Automatiquement, il se fait un contact entre lui et l'intelligence et automatiquement, il change. Et il change, et il change, et il change. Et il en arrive éventuellement à être très près de lui-même. Et quand l'homme est très près de lui-même, il est à l'intérieur d'une énergie qui n'est pas astrale, qui est totalement éthérique et qui lui sert de support éternel entre la matière et les plans invisibles. C'est là que la vie commence. Exactement. Il tranche le lien qu'on veut lui imposer par réflexion. Et à ce moment-là, éventuellement, il en arrive à un point où il n'est même plus affecté par la loi de retour. Quand il n'est plus affecté par la loi de retour, c'est là que l'homme n'a plus de crainte. La crainte vient d'où? Elle vient de la loi de retour. Elle est là, la crainte. C'est pour ça que c'est une illusion parfaite, la crainte. Mais c'est une réalité parfaite aussi. Et elle est aussi parfaite, la réalité de la crainte dans l'homme, que la constitution astrale des impressions en lui. Les gens disent des fois, ben, c'est pas capable de contrôler ça, la crainte, ils peuvent pas contrôler. C'est tellement tête, il faut qu'il perce la surface extérieure, le net. Ça, c'est là qu'on entre, qu'on en arrive à comprendre l'importance de cesser de raisonner. Penser créativement et raisonner, c'est pas pareil. Raisonner, c'est chercher une raison pour faire ce qu'on fait. Penser créativement, c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose. On a la manie de penser avant de raisonner, c'est partir de certaines prémisses ou de causes, puis inférer, selon la logique, un effet. Ouais, mais ça, c'est trop compliqué pour le monde. Mais tandis que. Qu'est-ce que tu as à faire pour partir, pour raisonner, pourquoi. Comment tu as fait? Penser, raisonner. Voir le but vers lequel on s'en va, tu le comprends. Le comprendre. Ouais, comprends. Ouais. Puis voir à l'avant. C'est ça. C'est en avant, l'autre, c'est en arrière. Ouais. Raisonner, c'est nourrir la subjectivité. Tandis que penser créativement, c'est ouvrir, projeter en avant. Et l'homme devra toujours vivre à l'avenir, jamais en arrière. Et sa mémoire. Sa mémoire. Puis la mémoire, qu'est-ce que c'est? La mémoire, c'est l'âme. L'âme, c'est l'astral. Le cordon ombilical de l'âme, c'est l'émotion. Exactement. C'est par l'émotion que l'âme est maintenue dans l'homme et qu'elle permet à l'homme de mourir. C'est par l'émotion que l'homme meurt. C'est à cause de l'émotion que l'homme meurt. C'est regarder le mouvement de l'énergie dans l'esprit de son intelligence. Exactement. Exactement. Exactement. Il n'y a rien à faire. Tu regardes. Le regard se déroule. Ouais, c'est pas toi qui le pense, ça se pense. Ouais, tu regardes. Il peut y avoir une classification quand même. Tu vois le plan s'en aller. Tu vois tout comme ça, quand tu veux. Tu sais pas, dans ta vie personnelle, comment ça va, où ça va tomber, puis quand ça va tomber, puis comment ça va tomber. Mmh. C'est ça qui est inquiétant pour la sécurité de l'équipe. Ouais. Mmh. Ouais. C'est pour ça. Tu la vises, là. Mmh. Elle va te tomber en dehors des lignes ou en dedans des lignes, tu sais, les gauches, c'est plus peine. Ouais. Ouais. Il s'inquiète. Du résultat de, des conséquences de. Où ça va mener, ça? Et qu'on ne sait pas, parce que nous, on n'est pas intelligent, On sait pas que la balle, elle va tomber dans un endroit où les conditions qui sont là, matérielles, je parle, sont pas celles que je vois d'ici. Mm-hmm. Comprends-tu? Mm-hmm. Par exemple, supposons qu'aujourd'hui, moi, je regarde mon compte de banque, là, pour faire un exemple. Je peux pas m'imaginer que quand la balle, elle va tomber, que le compte de banque, toutes les coordonnées vont être changées. Mm-hmm. Que je pense, mais je pense logiquement, puis logiquement, ça n'a pas d'allure, les coordonnées ne peuvent pas être changées. Ça, c'est l'extrapolation. Mm-hmm. Mais on ne peut pas extrapoler dans l'intelligence. Mm-hmm. C'est instantané tout le temps. C'est ça. Et quand tu es rendu là, ça tombe là. C'est ça. C'est ça. Tu ne peux pas extrapoler avec l'intelligence. Ça explique toutes les lois ouais. du raisonnement. Oui. Comme tantôt, c'est pas intelligent, c'est pas raisonnable, tant tout ce que tu dis, que l'homme conscient va vivre dans une facilité matérielle quand tu vois tout ce qui se passe actuellement. Mm-hmm. C'est absolument illogique. Mm-hmm. Oui. Raisonner, c'est se servir de ce qui fait déjà partie de nos inquiétudes. Quand tu raisonnes, tu te sers de ce qui fait partie de tes inquiétudes. Tout le temps. Même si tu raisonnes un problème mathématique, tu as l'inquiétude de ne pas avoir trouvé la solution. Dans le raisonnement, tu sers toujours d'un standard qui a déjà été établi avec toi. Tout le temps. Toujours des valeurs avant toi. Tout le temps. Puis tu conformes aux valeurs, ben tu conformes aux valeurs. C'est ça. Tandis que dans l'intelligence créative, il y a rien. Ouais. Exactement. Tu fais. Ouais. Donc, tu peux bien planifier. Non. La planification. Non. Dieu sait pour planifier. Oui. La peur de la méditation. Tu utilises un modèle déjà établi pour l'enrichir. Tu ajoutes au modèle qui est déjà établi. Le modèle, l'impression. Tu l'enrichis. Il est fait d'impression, le modèle. Ils disent que notre vie astrale, notre vie humaine, c'est une maquette. Puis on se donne, on a l'impression de vivre d'une belle maison solide. C'est rien qu'une maquette. Puis elle est faite, cette maquette-là, de toutes sortes de matériaux qui sont maquettes, ce sont des impressions. Puis aussitôt là, qu'on commence à aller vers une autre sorte de maison qui est solide, là, qui est construite totalement différente, on panique. C'est absolument dans les deux. Moi, ça m'a dit bien clairement, vous êtes donc fous. Vous êtes comme des... C'est comme l'image que j'avais, là, c'était comme... Vous êtes des petits bébés, là, non. Dans les bras de votre petit frère de 2 ans. Mm-hmm. Vous pensez bien bébé en sécurité. Mm-hmm. Donc, on voudrait vous filer de là pour vous mettre dans une sécurité mm-hmm. puis vous broyer. C'est ça. C'est ça. Moi, ils disent tout le temps, on comment est-ce qu'ils disent ça? On se paye le ventre net. Parce qu'on a l'impression d'avoir le ventre vide. Mais on a le ventre plein. C'est comme si le banquier était tellement là. Ouais. Ouais. C'est tout comme Hugo, à un moment donné, quand il fait quelque chose, comme il veut, en attendant qu'il change de travail, ok? C'est comme si finalement, il fait quelque chose que tu sens que tu le sens encore, que quelque chose qui s'en vient pour toi, tu vas savoir que tu fais ce travail. À ce moment-là, tu écoutes le mouvement dans ton petit carré. Sans ça, tu t'inquiètes, ça, c'est l'astral. Ta mémoire, toute la patente. Qu'est-ce que la résistance, c'est l'intelligence. La résistance. Pourquoi c'est capable de garder le tourné, malgré toutes les interférences? Ouais. Ils disent que la résistance de l'ego à l'intelligence, c'est la couleur de nos émotions. Parce que nos émotions ont des couleurs. C'est la couleur de nos émotions qui crée la résistance à l'intelligence. Alors, plus on a eu de souffrance, plus on a eu, plus on a été chaudé, plus on a de la résistance. À l'intelligence. Notre concept de sécurité doit être totalement mis à terre. Quand tu penses en souffrance, là, tu vois des pieds sur la tête, tu pensais qu'il te sécurisait. Finalement, c'était de la merde. Ben, tu n'en as plus besoin de la sécurité, tu ne la cherches plus. Ouais. Fait que là, tu n'as un autre. Pour vraiment... avec ça, de, ouais. ce concept-là de besoin de sécurité. Ouais. La sécurité existe pas. Ouais. La sécurité, telle qu'on la conçoit, telle qu'on ouais. a besoin, telle qu'on ouais. a besoin pour faire de l'argent, d'être ouais. bien dans le monde matériel, dans la vie économique. Ouais. Ouais. Ouais. Le concept de la sécurité. Le faux concept. C'est un ouais. faux concept. Ouais. Ouais. Comme quand tu te maries et que tu dis que tu es sûr avec un bonhomme, et finalement, bah, pour lui, toute la porte de sécurité pour ouais. enfant, il faut des parties, par exemple. Ouais. Et puis, il y a l'argent, c'est pareil, c'est pour ça que tu sécurises, puis ta job, c'est pour ça que tu sécurises. C'est tout le problème, la sécurité. Pour que l'homme soit en sécurité matérielle, comme en sécurité mentale, il faut qu'il soit dans l'intelligence. Quand tu dis sécurité matérielle, tu vas te sécuriser dans la spiritualité. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. Oui. Exactement. Exactement. Le débat, on va se dire, c'est que la spiritualité te donne une certaine stabilité psychologique qui te fait passer par la sécurité matérielle. C'est comme ça que le débat aussi, dans les débats. Oui. Oui. C'est ça, le problème de la spiritualité, c'est qu'on va faire le saut de l'homme avec une plus belle couleur à cette dimension. Il faut apprendre à reconnaître la différence entre le déséquilibre et le rééquilibre. Il faut réaliser quand on est déséquilibré qu'on l'est pour être rééquilibré à un autre niveau. C'est très important qu'on vive le déséquilibre. Mais c'est très important qu'on ne perde pas de vue qu'on perd le déséquilibre pour en avoir un autre. Et on ne perdra cet équilibre-là pour en avoir un autre. On va être déséquilibré pendant des années de temps. Oui. Oui. Oui, il faut que l'homme reconnaisse que ces déséquilibres-là sont créés intérieurement et qu'ils font partie de sa conscientisation. Fait qu'éventuellement, il est habitué à être déséquilibré et plus il s'habitue à être déséquilibré, moins il souffre des déséquilibres. Mais sachant toujours que ça vient d'en dedans. Puis ils peuvent très bien nous déséquilibrer physiquement, nous rendre malades. Parce que quand ils nous rendent malades puis qu'ils travaillent intérieurement en même temps, je te dis que... Là, on est pogné sur tous les fronts. Alors, c'est important pour nous autres d'être capables de prendre conscience des déséquilibres qui peuvent créer, soit sur le plan matériel ou sur les autres plans. Mais c'est surtout sur les plans intérieurs qu'on doit le réaliser le plus comme étant une nécessité qui est temporaire. Après, à ce moment-là, on prend saisir, puis... Ça se replace. Parce que si on regarde en arrière, depuis qu'il commence le travail dans nos vies, on s'aperçoit que tout ça rentre. Puis ça, ils disent que c'est une formule extrêmement importante pour nous autres d'avoir dans notre tête. Tout ça rentre. Puis c'est vrai que tout ça rentre. Mais on a toujours la maudite habitude de paniquer. Là, ça reste. Ouais. C'est parce qu'à ce moment-là, mais on n'est plus affecté par ce qui se passe. Fait que, on avance. Mais l'intention qu'on porte vers soi-même dans la vie, dans ce sens que l'attention qu'on se donne, c'est une chose qu'on doit éventuellement apprendre à revirer complètement. Parce que c'est ça qui nous bloque de leur capacité d'agir sur nos corps et d'agir suffisamment vite pour que nos changements se fassent suffisamment rapidement. Sans ça, ils sont obligés d'attirer ça, puis d'étirer ça, puis d'étirer ça, puis ça n'arrête plus. Parce qu'à un certain moment, il faut que ça arrête notre initiation. À un certain moment, il faut que l'homme puisse mettre la hache dedans. Mais il ne peut pas le faire tant qu'il n'a pas été capable d'éliminer l'attention qu'il porte sur lui-même. Et plus tard, quand il aura bien passé ces phases de transmutation-là, qui aura vécu ces équilibres et ces déséquilibres-là, à ce moment-là, il sera capable de recréer une autre attention, mais ce sera une attention pour lui-même. OK? C'est subtil, la différence. Une attention pour soi-même, c'est une attention qui est totalement bénéfique au plan de vie auquel on appartient. Fait que quand ils ont fini de travailler avec toi et qu'ils ont fini de niaiser avec toi parce que tu n'es plus un niaiseux, à ce moment-là, tu t'organises, puis tu es capable de t'organiser pour créer une attention pour toi-même, c'est-à-dire que tu as l'intelligence et la volonté pour aller chercher dans la vie ce que créativement tu as besoin pour vivre sur le plan matériel en équilibre et continuer tes jours jusqu'à temps que tu vives d'autres états. Mais avant de pouvoir avoir la possibilité de se créer une attention pour nous-mêmes, on doit détruire l'attention vers soi-même. L'attention pour toi-même, c'est d'aller porter une valeur traditionnelle avec l'autre, mais elle est toute à toi-même, en se regardant de l'expérience, pour voir ce qui se passe pendant l'expérience, réaliser ce qu'on apprend, pour accéder à une confiance supérieure en soi-même. Et là, par exemple, nous permet de continuer. L'écoute et l'attention. Deux choses. L'attention, c'est d'essayer de procurer une parole pour soi-même. L'écoute. L'attention nous permet de nous protéger contre les abus extérieurs de la vie. Ça, c'est de l'intelligence. L'écoute, c'est la perception de l'intelligence. L'écoute, c'est ce qui te permet de savoir ce que tu as besoin, puis l'attention, c'est ce qui te permet de réaliser que tu n'as pas besoin. Alors, quand tu perçois ce que tu as besoin, ça, c'est le premier mouvement, l'écoute. Puis ensuite, l'attention qui te permet d'aller chercher ce que tu as besoin. Mais pour le faire, ça, faut que tu aies passé par la phase où tu as perdu l'attention de toi-même pour rentrer dans l'intelligence de toi-même qui donne le pouvoir de volonté et d'intelligence sur l'environnement matériel. Donc à ce moment-là, ben là, tu construis une petite vie là, à ton gré, selon ton tempérament, ton intelligence, ta volonté. Là, tu fais une petite vie bien tranquille, à ton rythme, à toi, tu as la paix. Puis après ça, les transformations continuent, puis un jour, tu passes à l'état ainsi. Soi-même, c'est toujours pour le bénéfice de la mémoire. Parce que pour soi-même, c'est pour le bénéfice du nouvel intelligent. Exactement. À travers soi. Pour soi-même, c'est pour le... Comment ça dit ça? Pour le bénéfice du mouvement de l'intelligence à travers soi. Pour soi-même, c'est pour le bénéfice du mouvement de l'intelligence à travers soi. Et ça convient à soi comme ça convient à l'intelligent. Très juste. À soi-même, c'est toujours la sécurité psychologique de notre propre mémoire. Ouais. Ouais, c'est une fausse sécurité. Pis c'est dur pour l'homme, surtout pour les gens spirituels et sensibles, ainsi de suite, là. C'est dur pour l'homme de comprendre ça. On dirait que ce sont ceux qui ont des caractères de cochon comme Hélène qui peuvent comprendre ça. Ou toi, ou il y en a d'autres qui ont des caractères de cochon. De nature, de tempérament naturel. Mais ceux qui n'ont pas de caractère de cochon, qui vont l'avoir même dans 5 ans, le caractère de cochon, c'est tough en maudit de comprendre ça. Parce que les gens qui vont vers le supramental auront tous des caractères de cochon. Ça, c'est inévitable. Tu ne peux pas devenir intelligent pour avoir un caractère de cochon. Tu ne peux pas être intelligent et faible en même temps. Non. Tu ne peux pas être intelligent et bonasse en même temps et bon en même temps. C'est impossible. Parce que dans l'intelligence, il y a de la volonté. Et où il y a de la volonté, tu pètes des portes. Tu perds les conditions qui t'astralisent, qui te limitent. Alors, tu peux pas être bonasse. Alors, tu as une tête de cochon. Tu sembles avoir une tête de cochon. La haine de la femme tue la crainte. Ah, c'est intéressant. La haine de la femme tue la crainte. Effectivement. Puis la haine de la femme tue la crainte parce que la haine de la femme est l'intelligence. De quoi? Qui s'oppose à la crainte de la femme, qui s'oppose à la femme. C'est bien intelligent, c'est bien important, c'est bien intelligent de comprendre la haine de la femme. Un homme qui ne comprend pas la haine de la femme ne sera jamais dans l'intelligence de la femme. Alors automatiquement, il sera toujours piégé par la femme et automatiquement, il sera toujours dans la crainte de la femme. qu'elle impose sur son ego, il sera toujours dans la merde. Il n'aura jamais une tête de cochon. C'est ça. Quand je parle de la haine de la femme, c'est occulte. Ça donne une volonté que l'homme n'a pas. C'est une haine que l'homme ne connaît pas. C'est une haine dans le mental. Alors, c'est le conflit entre l'intelligence et l'astral, la haine de la femme. C'est ça. C'est le conflit, c'est le grand combat. C'est ça. Exactement. La haine de la femme, pour la faire. C'est la haine de la femme? C'est la haine de la femme qui protège de la loi de la femme. Oui, parce que quand tu es rendu à haïr la femme, tu as suffisamment de volonté pour contrecarrer toute loi de retour. Parce que tu as tué ce qui peut revenir vers toi. Tu l'as tué, tu l'as éliminé. Bien important, la haine de la femme. Et ça nécessite, et ça implique de l'intelligence cosmique. À un niveau quelqu'un. C'est pour ça que tu deviens une tête de cochon. Ouais, tu t'en fous. Exactement. Exactement. Ouais. C'est ça, ma chère, le son. Le son dans l'astral n'est pas réel. C'est une résonance comme une perfection. Excusez la fête du homme, là, les hindous. Les hindous, les hommes. Regardez ça dans votre écran mental. Qu'est-ce que c'est le homme? D'où ce qui vient le homme? Puis où ce qui va le homme? Et où est le nœud du homme? Parce qu'il y a un nœud dans l'homme. Le homme dans l'astral, il va comme ça. Il parle de l'individu qui le dit, là. Il fait le tour, là. Puis il revient. Puis il est rendu ici, quand il revient, là, il crée un nœud. Puis ensuite, l'individu, il dit encore, puis ça s'en va, ça revient, puis il fait un autre nœud. Fait que plus tu fais de homme, plus tu es lié à des nœuds d'énergie, et ces nœuds d'énergie-là t'amènent, selon ton mysticisme, là, toute ta patente, t'amènent à un point dans l'astral tellement loin qu'à un certain moment, tu ne peux plus sortir du pouvoir de l'astral sur ta conscience. C'est pour ça que je dis que tout ce qui vient de l'Orient, tout ce qui vient de l'Orient est lié à la magie noire. Tout ce qui vient de l'Orient vient et est lié à la magie noire, et tout ce qui vient de l'Orient et qui n'est pas lié à la magie noire est invisible et les hommes n'ont aucun contact avec. Alors, ceux qui sont dans les Himalayas, qui sont dans l'invisible, qui font partie de la hiérarchie mondiale, sont invisibles, et c'est pas les touristes qui vont là-bas qui vont y rencontrer. Fait que ceux qui vont là-bas puis qui rencontrent, il y a un lien avec la magie noire. Et ceux qui sont dans l'Orient, qui ne sont pas liés à la magie noire, ils sont en très petit nombre. Très petit nombre. Très petit nombre. Ça fait partie de l'agrandissement de la conscience astrale sur la Terre et de la perdition de la conscience humaine sur la Terre à cause du lien entre son astralité et cette conscience-là. Quand je vous dis « croyez pas », moi, je vous dis « croyez pas ». Quand je vous dis « croyez pas », dans le fond, je vous donne une règle de mesure qui est totalement simple. Je peux pas vous dire « bon, mais, voilà, étudie ça, puis tu peux étudier ça, puis tu peux étudier ça, puis tu peux étudier ça. » C'est pas ce que vous étudiez qui est con. Tu peux en lire des livres. Moi, je suis capable d'en lire des livres sur la magie noire, puis je vais trouver ça intéressant parce que je comprends ce qui se passe. Mais il n'y a rien en moi d'astral qui va me faire croire. Fait qu'automatiquement, je vais regarder ça d'une façon bien objective, cette affaire-là. Il y a des lois, puis c'est intéressant. OK. Mais quand je dis au monde, croyez pas, je veux dire que si vous apprenez à comprendre que c'est que ça veut dire pas croire, vous ne serez jamais lié astralement à une impression qui vient originellement, dans des temps extrêmement lointains de l'humanité, à des forces qui étaient liées à la magie noire. Parce que ce n'est pas rendu à la fin du 20e siècle, quand ça a tout été catalogué, ça, puis ça a été monté dans des structures et des écoles, que vous allez être capable, vous autres, avec votre mysticisme, puis votre astralité spirituelle, puis votre logique, de voir les liens avec la magie noire, qui était extrêmement florissante après la destruction, puis avant la destruction d'Atlantide. Fait que ce qu'il y a dans l'Orient aujourd'hui, ça vient pas du cul de la poule. Ça vient de quelque part. La magie La magie blanche, c'est le retour de la magie noire, mais par un moyen qui est totalement détourné. C'est que la magie noire, il reviendra à la Terre à cause du fait qu'il y aura eu de la magie blanche, parce que où il y a de la magie blanche, il y a de l'astral spirituel. Alors, que ce soit de l'astral spirituel de haut niveau ou de l'astral de bas niveau, c'est astral et tout ce qui est astral. C'est comme si la magie noire part, ça s'en va comme le tantôt à change tout le temps. Elle change tout le temps. Vous allez voir au 21e siècle, au 21e siècle, là, les gens vont être spirituels. Là, ça va être spirituel au bout. Avec la fin du cycle, puis le contact avec les autres là-bas, là, là ça va être un gros changement, sa planète. Ça va être extraordinaire. Il n'y aura pas de guerre. Tout le monde va s'entendre, patati patata. Puis dans 2500 ans, ça va être le retour de la magie noire sur la Terre. C'est ça l'Armageddon. L'Armageddon, ça n'a pas d'affaire avec l'Apocalypse. L'Armageddon, c'est le conflit entre les enfants de la lumière et les enfants les fils de la lumière et les fils de Bélial à la fin de la sixième race, juste avant la rentrée de la septième race sur la Terre, le début de l'homme-esprit. Fait que l'Armageddon, c'est pas dans le cycle qui s'en vient, c'est à la fin. Là, ça va brosser en maudit à l'heure, là-bas. Alors, là, à ce moment-là, les hommes sur la Terre vont être extrêmement avancés dans la manipulation des énergies. C'est là que tu vas avoir le combat entre la magie noire et la magie blanche. Ça va être encore les forces de lumière qui vont triompher. Mais il va se produire des changements tellement terribles dans la Terre que le centre de la Terre va fondre. Le centre de la Terre va fondre. C'est à ce moment-là qu'il y aura la septième race de l'homme. À ce moment-là, l'homme sera totalement libre de son commentaire. Quand l'homme pensera, il verra ce qu'il pense. Il va créer par la pensée, puis ça va être son monde. Mais ça, c'est à l'heure. Mais, quand je te dis du bon puis du mauvais, non. Ce qui est bon ou ce qui est mauvais, c'est mauvais. Le positif puis le négatif, c'est du négatif. Parce que du positif ou du négatif, à cause du fait que l'homme pense, ça crée toujours en lui de l'impression. Fait qu'automatiquement, ça maintient la polarité du corps astral. Il faut que l'homme rentre dans un autre plan d'inconscience où il n'y en a pas de polarité, puis c'est ça la conscience supramentale. Fait qu'à ce moment-là, tu veux prendre du positif, t'en prends, puis tu veux prendre du négatif, t'en prends, puis tu fais quelque chose avec. C'est ça le créateur. Quand t'es créateur, tu prends du positif, tu prends du négatif, puis tu fais quelque chose avec. Mais toi, tu n'es jamais affecté par le positif ou le négatif. Tu ne fais jamais de magie blanche ou de magie noire. Mais c'est le fun de décortiquer ça. C'est ce que c'est la différence entre la magie noire et la magie blanche. C'est que la magie noire sert l'ego, tandis que la magie blanche sert l'humanité. C'est toujours de la magie. Et tant qu'il y aura de la magie sur la Terre, il y aura un conflit entre les forces. Jusqu'à temps qu'il n'y ait qu'une chose sur la Terre, ce qu'on appelle la science. La science, je n'ai pas expliqué encore ce que c'est, j'en parlerai plus tard qu'est-ce que c'est de la science. De la science, dans le sens cosmique du terme, c'est la manipulation par l'homme conscientisée de l'énergie. C'est rien que ça, de l'énergie. La manipulation de l'énergie, c'est ça de la science. Manipulation. L'homme manipulera l'énergie, c'est-à-dire qu'il pourra aller chercher l'énergie où il veut dans le cosmos à cause de sa fusion avec l'ajusteur de pensée et à cause de son centre de volonté qui sera stabilisé et à cause de sa vision qui sera complète à cause de son lien avec l'intelligence, l'homme créera des formes qui constituera les nouvelles évolutions. Et plus l'homme sera évolué, mais plus il pourra manipuler de l'énergie. Autrement dit, la canaliser, cette énergie. Le quoi? Le commencement de la science, c'est la parole. Le commencement de la manipulation d'énergie, c'est la parole. C'est pour ça que sur la Terre, la parole est très importante. La première manifestation de la sortie du sans-parleur, c'est-à-dire de l'émission du sans-parleur. OK. La parole est le premier bel signal de sonore, là, j'ai envie de dire, parce que toutes les... Il n'y a pas de son. Les émotions sont des couleurs, les couleurs sont des résonances. La première fois que l'homme parle, c'est la première fois qu'il a une émission de son. Bon, quand il a son intelligence. Bon. Le son, c'est pas du bruit. Par la parole, vous entendez le montant d'énergie plus parfait. Ouais. Plus ses corps sont ajustés, plus il devient un canal. Ouais. Mm-hmm. Il devient un canal de sortie. C'est-à-dire de sortie de l'homme de l'astral puis de rentrer dans l'intelligence dans l'esprit. C'est de la matérialisation de l'émotion. Musique des sphères? Non, c'est quand même de la musique, supposons qu'on prend du violon. On fait ça comme une grande émotion spirituelle. C'est une résonance. Mm. Ou bien le tambour, c'est une salise profonde, l'astral, c'est présent, le roulement, de la mer. Mm. Toutes les musiques, c'est des émissions de vibrations. Oui, mais comme on a un corps astral, la musique, c'est très bon pour nous. Parce que ça nous relaxe. Mais il faut qu'on choisisse nos musiques. C'est bien important qu'on choisisse nos musiques. Les chants grégoriens, ça c'est bien. Je ne peux pas en parler des chants grégoriens parce que... Bon, ben, je vais en parler. Les chants grégoriens sont l'expression spirituelle de la magie noire sur la Terre. Mais fermez vos gueules. C'est la multiplicité. Je vous avertis une chose, hein. Si jamais les gens, surtout quand je dis des choses comme ça, si jamais les gens n'ont pas de discernement et se servent de ce que je dis au niveau de leur ego, vous retardez automatiquement mon travail et vous me causez énormément de souffrance dans le monde. Et vous retardez tout le processus. Alors, quand je vous dis des choses comme ça, parce qu'on est ensemble de même, c'est pour vous faire comprendre d'autres choses. C'est pour vous faire comprendre que quand tu es dans l'intelligence, tu dois supporter le poids de ce que tu sais. Alors, c'est une responsabilité dans l'intelligence. Alors, si je vous le dis pour égayer nos soirées ensemble, pour nous faire voir plus loin, mais allez pas me couper le cou en disant ça à vos frères qui sont des sœurs. Non. Tenez, j'aime pas ça répondre à vos questions, je sais pas pourquoi. C'est pas parce que vous êtes pas fine. C'est parce qu'il y a une sorte de curiosité dans vos questions. C'est ça, l'énergie accoupe automatiquement. Quand vous allez pouvoir me demander une question sans qu'il y ait de curiosité, à ce moment-là, moi, vous répondre. Oui, mais c'est vous, c'est parce que vous avez une sensibilité, là. Mais ça vous fait développer une résistance. Pour que vous en arriviez un jour à plus avoir mal à la tête. Non, je parle d'image de tête que nous donnons aux autres. Ouais. C'est ça, là. Ouais. En avez-vous des mal de tête quand je parle? Oui, ça fait bien, j'en ai une. Je pense pas que j'ai besoin de savoir si il y a une façon de parler, s'il y a quelque chose à faire. C'est pas ces gens-là à faire des mal de tête. Non, vous pouvez pas changer vos vibrations. Vous ne pouvez pas changer votre façon de parler. Votre façon de parler, c'est la façon de parler qui est ajustée à votre mental. Ce n'est pas votre problème. C'est leur expérience. Oui, c'est pour ça que le livre que je vais écrire, je vais me cacher, mais je le sors. Parce que...